Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la crise des missiles cubains de 1962. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Depuis lundi, le monde vit des heures fiévreuses où chaque minute est lourde du poids d'une terrifiante alternative. Guerre ou paix. L'Est et l'Ouest, qui déjà se faisaient face dans des conditions d'équilibre précaires à Berlin, s'affrontent aujourd'hui à Cuba. Guerre ou paix, c'est de cela dont il s'agit à l'automne 1962. En octobre 1962, plus précisément, en pleine guerre froide, Américains et Soviétiques s'affrontent autour de la présence de missiles russes à Cuba. C'est finalement la paix que choisiront John Fitzgerald Kennedy et Nikita Khrouchtchev, mais il s'en est fallu de peu. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised. Chers concitoyens, bonsoir. Mon gouvernement s'est engagé à surveiller de près le développement de la capacité militaire de Cuba. Des informations recueillies ces derniers jours montrent clairement que des sites de lancement de missiles sont en construction à Cuba et que leur objectif ne peut être autre que de doter Cuba d'une capacité d'attaque nucléaire contre nous. Then to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. C'est le 22 octobre 1962 que le président Kennedy prévient les Américains à la télévision de la présence de missiles soviétiques à Cuba. Le président Kennedy annonce également ce soir-là la mise en quarantaine de l'île de Cuba, l'organisation d'un blocus naval pour empêcher les navires soviétiques d'acheminer d'autres missiles à Cuba. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke. Bonsoir, Karine. Bonsoir. C'est cette histoire de la crise des missiles qui va durer à peu près 2 semaines qu'on va raconter ce soir. Le président Kennedy qui s'adresse donc aux Américains le 22 octobre. La crise commence quelques jours avant. On va y revenir, Karine. Mais d'abord, un peu de contexte. Comment en arrive-t-on à cette crise des missiles de Cuba? On va passer très, très proche là, d'un affrontement nucléaire. Comment on arrive là? En fait, l'annonce de Kennedy va, d'une certaine façon, confirmer les pires craintes qu'ont les Américains depuis déjà un certain temps. Les Soviétiques, depuis quelques années, développent leur programme nucléaire. On est dans la peur constante d'une guerre nucléaire avec l'Union soviétique depuis ce moment-là. Et Kennedy a beaucoup joué cette carte-là pendant sa campagne électorale. Il parlait de l'écart entre les missiles soviétiques et les missiles américains. Il disait on ne peut pas perdre du terrain sur cette question-là parce qu'aussitôt que les Soviétiques en auront plus, ils vont nous attaquer. Alors, on joue beaucoup sur cette crainte du nucléaire, cette crainte de la guerre avec les Soviétiques qui est jugée inévitable par à peu près tout le monde. Donc, déjà, on est dans ce contexte-là. En octobre 62, ce sont les élections de mi-mandat qui se déroulent également et Kennedy, jusqu'à présent, n'a pas beaucoup brillé en termes de politique étrangère. L'année précédente, c'était le fiasco de la baie des cochons, donc une tentative d'invasion ratée de l'île de Cuba. Alors, Kennedy a besoin... Soutenu par les Américains. Soutenu par les Américains. Et donc, Kennedy a besoin de montrer un peu de fermeté. En même temps, cette période-là, c'est une période d'affrontement de plus en plus régulier entre les États-Unis et l'Union soviétique sur la scène politique, sur la scène militaire, sur la scène diplomatique. Il y a un avion U-2 américain qui avait été abattu en 1960 au-dessus du territoire soviétique. Le pilote Gary Powers avait été accusé éventuellement d'espionnage. Il y a eu la rencontre entre Khrushchev et Kennedy à Vienne en 1961. En juin, ça ne s'était pas du tout bien passé pour Kennedy. Et Khrushchev a eu l'impression, justement, d'un président faible, mou, inexpérimenté, qui pourrait manipuler à sa guise. Et donc, il y a le mur de Berlin, effectivement, la construction du mur de Berlin. Et souvent, on dit que c'est suite à cette conférence de Vienne-là où Khrushchev a dit « Je peux faire ce que je veux à Berlin, c'est pas lui qui va m'en empêcher, visiblement. » Et ça lui a donné l'assurance qu'il pouvait construire ce mur sans aucune représaille. Donc, la construction du mur de Berlin en août 1961. Donc, quand on met tout ça ensemble, la table était mise, en fait, pour un affrontement inévitable entre les deux puissances. Et qu'est-ce qui est décisif? Il y a ce climat général, mais qu'est-ce qui pousse au final Khrushchev? Parce qu'il sait, là, qu'il joue avec le feu, à installer des rampes de lancement de missiles à Cuba. Mais en fait, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça et c'est pas nécessairement clair encore aujourd'hui quelle est la raison principale. Mais d'abord, Khrushchev est un idéologue. Khrushchev est convaincu que le communisme est supérieur au capitalisme. Il est convaincu que l'Occident va s'effondrer inévitablement. Et il avait prononcé à un moment donné cette phrase célèbre, il avait dit « Nous allons vous enterrer. Donc, nous serons plus puissants que vous économiquement, politiquement, militairement. » Alors, pour lui, c'est une question de temps. Alors, il se pose pas trop de questions sur les éventuelles réactions américaines parce qu'il est convaincu de la supériorité de l'Union soviétique. Alors, qu'est-ce qui le pousse à poser ce geste stratégiquement, effectivement, assez étrange, assez risqué, évidemment? Ben, le fiasco de la baie des cochons, sans aucun doute, parce que là, il se dit, ben, visiblement, les États-Unis ne souhaitent pas tant que ça s'impliquer, parce qu'on a vu Kennedy retirer son soutien un peu à la dernière minute. Le fait que les États-Unis n'avaient pas beaucoup réagi non plus à l'installation d'armes nucléaires en Allemagne de l'Est en 59. Alors, ça donne un peu à penser que Khrushchev peut faire ce qu'il veut. Un certain laxisme. Ben, on se dit, ils n'ont pas trop d'hommes forts, ils n'ont pas trop de stratégie, ils parlent beaucoup, mais ne font pas grand-chose, ils ne veulent pas entrer en guerre contre nous. Alors, ça nous donne un peu l'avantage, si on veut. Donc, on peut imaginer que l'ensemble de tout ça a donné l'occasion à Khrushchev, en tout cas, a donné à penser à Khrushchev qu'il pouvait aller à Cuba sans problème. Cette crise-là, évidemment, va être suivie partout sur la planète. Je vous propose, on parlait du mur de Berlin, d'aller à Berlin. Vous allez voir, c'est intéressant. Comment s'est reçue cette crise et la stratégie américaine dans cette crise des missiles à Cuba, à Berlin, par les Berlinois de l'Ouest? On écoute un extrait d'une correspondance de Roméo Leblanc à Berlin en octobre 62. Nous sommes à Checkpoint Charlie dans le secteur américain de Berlin et devant l'une des dernières brèches de ce mur qui divise impitoyablement l'ancienne capitale allemande. Il reste toujours aux Russes la possibilité d'un blocus comme celui de 1948. D'ailleurs, les magasins de Berlin-Ouest ont fait des affaires d'or depuis le début de la crise. Les Berlinois accumulent des provisions de conserve et de graisse, et les autorités de la ville ont déjà accumulé des stocks de charbon, d'huile et de denrées pour une période de 6 à 12 mois. Mais dans tout cela, il y a un paradoxe. Si la crise de Cuba risque de leur attirer des ennuis, les habitants de Berlin-Ouest se réjouissent de l'attitude américaine. Ils ont entendu le président Kennedy faire une mise en garde aux Russes à leur sujet. Et surtout, disent-ils, nous sommes maintenant assurés que les États-Unis ne peuvent nous laisser tomber. Ici, comme en Allemagne de l'Ouest, l'on croit que la fermeté du président Kennedy à Cuba vaut également pour Berlin. La fermeté du président Kennedy à Cuba vaut également pour Berlin. C'est intéressant, Karine Prémont, on est en pleine guerre froide. On voit comment la stratégie américaine à Cuba est perçue à Berlin. Oui. Ce petit îlot là de Berlin-Ouest au milieu de la RDA. Tout à fait, parce que Kennedy, pendant très longtemps, s'imagine que les problèmes vont venir de Berlin. Alors lui, il regarde Berlin de façon très intensive et surtout à partir de la construction du mur. Il se dit, si je dois entrer en conflit avec l'Union soviétique, ce sera sur Berlin. Alors, quand les Berlinois le voient défendre ce qui se passe dans le coin de Cuba, quand ils voient justement comment il est tout à fait ferme à repousser les Soviétiques, à ne pas laisser les Soviétiques, en fait, empiéter sur la sphère d'influence américaine, ils se disent, ben parfait, nous, ils vont nous défendre également. Bon, ça commence quand cette crise-là. D'abord, il faut dire, c'est la prise de photos qui est le déclencheur. Les photos, techniquement, elles sont prises le 13 octobre. Oui, elles sont prises le 13 octobre. Ça prendra 2 jours pour les analyser, parce qu'on en prend beaucoup de photos à cette période-là. Donc, et c'est moins informatisé qu'aujourd'hui. Alors, on prend le temps de bien examiner ces photos-là. Qui montrent les silos, les rampes de lancement, les installations militaires, et on reconnaît le matériel soviétique, parce qu'on peut imaginer que les renseignements américains sont bien au fait du matériel militaire soviétique, qui avait fait une parade quelques jours auparavant ou quelques semaines auparavant de leur nouveau matériel. Et là, soudainement, on le retrouve à Cuba. Donc, ça prend 2 jours à analyser les photos. On les présente formellement au président Kennedy le 16 octobre. Et là, on voit très clairement la présence de rampes de lancement, les missiles soviétiques sur 3 sites différents, une 40aine de missiles à moyenne portée, donc qui peuvent atteindre les États-Unis, qui menacent en fait directement 30 millions d'Américains si jamais ces missiles-là sont lancés. Et on remarque également 100aines de têtes nucléaires qui sont sur le site à Cuba. Les services de renseignement américains à ce moment-là ont sous-estimé le nombre de ces têtes nucléaires-là et n'avaient pas également imaginé qu'elles étaient opérationnelles, ce qu'elles étaient. Mais ça, on l'a appris après la crise. Heureusement, parce que les décisions auraient peut-être été les mêmes. Mais grosso modo, on voit cet arsenal-là s'installer progressivement à Cuba. Réaction immédiate, très rapide, création d'un super comité. Oui. On crée le EXCOM, l'Executive Committee, au sein du Conseil de sécurité nationale. Donc, au sein, si on veut, du département de politique étrangère du président, là, si je veux résumer très simplement. On crée un comité spécial. C'est à peu près 30aine de personnes là, qui feront partie de ce comité-là ponctuellement, mais en gros, 15aine des proches de Kennedy qui vont participer à l'ensemble des à peu près 40 réunions que tiendra ce comité-là pendant les 13 jours que dureront la crise. Oui. Et là, il y a évidemment une grande question. Qu'est-ce qu'on fait? Je vous dirais que Peut-être ce qui a sauvé l'humanité, d'une certaine façon, à ce moment-là, c'est la conviction du président Kennedy d'éviter à tout prix l'escalade face aux Soviétiques. Toute action, tout geste, toute décision qui pourrait avoir l'air d'une agression, d'une attaque, d'une réponse militaire, pour lui, était complètement insensée parce qu'il était capable de regarder plus globalement le conflit et de se mettre un peu à la place du dirigeant soviétique. Et lui, ce qu'il se disait, c'est que si je pose un geste qui est perçu comme une attaque, les Soviétiques vont répondre, nous devrons répondre à notre tour et inévitablement, c'est la guerre nucléaire. Et moi, je ne veux pas ça. Donc, cette fermeté-là, cette volonté d'éviter un engagement militaire va ralentir le processus décisionnel, évidemment, parce qu'on est obligé de trouver des solutions alternatives, mais vont probablement sauver l'humanité d'une catastrophe innommable. Parce qu'il y avait quelques options, diplomatie pure, l'invasion, le bombardement des sites, enfin... Oui, c'était les trois options qui étaient sur la table, effectivement, défendues par différentes personnes, bien sûr. Et puis, le 18 octobre, le secrétaire de la Défense, Robert McNamara, amène cette idée qui sera retenue, finalement, là, d'espèce de blocus naval. Oui, donc Robert McNamara va proposer le blocus naval parce qu'on sait qu'il y a à peu près 25 navires soviétiques qui sont en route vers Cuba, amenant aussi du matériel militaire en plus. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est effectivement de bloquer, l'empêcher ces navires-là d'arriver à bon port et de décharger leur matériel sur l'île de Cuba. Évidemment, on n'utilisera pas le terme blocus parce que le terme blocus est un acte de guerre, alors on va plutôt parler de quarantaine de Cuba. Donc, on va encercler avec les navires américains, on va encercler purement et simplement l'île de Cuba et empêcher les navires soviétiques de traverser. Bon, deux journées importantes. La première, c'est évidemment, toutes ces 13 jours sont importants, mais il y a deux dates clés. Là. La première, c'est le 22 octobre, la date du 22 octobre. Oui. D'abord, parce que c'est, on l'entendait il y a quelques minutes, le jour où le président Kennedy parle aux Américains, informe les Américains de la situation. C'est aussi le jour où il informe ses alliés de son plan et où il informe Moscou également de sa stratégie. Parce qu'on peut imaginer que pendant les jours qui ont précédé le 22, il y a eu des discussions tout à fait orageuses entre les différents conseillers de Kennedy parce que vous pouvez imaginer que les chefs militaires disaient « ben nous, on doit absolument détruire ces sites-là pour empêcher que les Soviétiques s'en servent. On doit se montrer ferme à l'égard de Khrushchev parce qu'il ne comprendra que la force. » C'est ce qu'on n'arrêtait pas de répéter. Et Kennedy disait « si on envahit l'île, si on détruit ces armes-là, premièrement, est-ce qu'on est sûr de toutes les détruire d'une seule fois, parce que sinon, ils vont servir de celles qui restent, ils vont pas les perdre. Et si on envahit, qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire? Ils vont envahir Berlin. » Alors, il y avait tout ce calcul-là qui s'est déroulé pendant plusieurs jours, mais le 22, Kennedy a pris sa décision et entre l'invasion et les attaques aériennes et le blocus. Il a dit, je choisis, en fait, la quarantaine, pour être plus précis, l'annonce, comme vous le dites, aux Américains, aux 100 millions d'Américains qui écouteront ce discours-là, qui sont à ce moment-là tout à fait paniqués, on peut le comprendre. Et il avertit ses alliés, mais la lettre qu'il envoie à Khrushchev est tout à fait intéressante parce que ce qu'il lui dit, c'est « réfléchissez bien ». Parce que si vous voulez jouer le jeu du nucléaire, vous n'allez pas gagner. Et si je peux me permettre de citer un extrait de cette lettre-là, Kennedy va lui dire « Je ne crois pas que quiconque qui soit sain d'esprit aurait, en cet âge nucléaire, délibérément plongé le monde dans une guerre qui ne pourrait être gagnée par aucun pays et qui aurait des conséquences catastrophiques pour le monde entier, y compris l'agresseur. » Alors, c'est vraiment un ultimatum aussi qu'on lance à Khrushchev en lui disant « Réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. » Parce que ce sera le début de la fin. On ira. On ira. On ira. On ira. Le 24 octobre, très concrètement, là, c'est le suspense. Oui. C'est le test crucial, la rencontre des navires soviétiques et des navires américains. Oui. Et là, en fait, personne ne sait ce qui va se passer. On n'a aucune idée de ce que les navires soviétiques vont faire. Et donc, comme je le disais, il y a 25 navires à peu près qui sont en route à différentes distances de l'île de Cuba. Et ce qui va se produire, finalement, c'est que les navires soviétiques, au plus grand soulagement de tout le monde, évidemment, vont faire demi-tour. Ouf! Ouf, exactement. Bon, il y a un autre front, le front diplomatique, oui. Qui est très, très actif. Ça va jouer à l'ONU, donc, cette joute diplomatique. Les Américains, en fait, qui veulent démontrer les intentions malveillantes des Soviétiques dans cette affaire de la crise des missiles. On va écouter un échange entre l'ambassadeur américain aux Nations Unies, Adlai Stevenson, et son homologue soviétique, Valerian Zorin, le 25 octobre 1962. Let me ask you one simple question. Je voudrais vous poser une simple question. Monsieur l'ambassadeur Zorin, niez-vous que l'Union soviétique est installée et est en train d'installer des bases de missiles de moyenne portée à Cuba? Oui ou non? N'attendez pas la traduction, dites-moi oui ou non. Je ne suis pas devant un tribunal américain, monsieur, et je ne souhaite donc pas répondre à une question qui m'est posée dans le style propre au procureur des États-Unis. Vous aurez votre réponse au moment voulu, monsieur. Ces débats, Karine Prémont, c'est un petit extrait, mais ça donne le ton. Ces débats qui auront lieu à l'ONU vont être très, très importants. Oui, parce que c'est la première fois que les Américains vont dévoiler l'ampleur de la preuve qu'ils ont contre l'Union soviétique, qui jusqu'alors a complètement nié l'existence de ces missiles à Cuba. Et durant cette joute, si on veut, au Conseil de sécurité, on va montrer les photos. Mm-hmm. Donc, on va déployer les affiches en disant aux représentants soviétiques, vous nous avez menti, vous avez menti au monde et vous mettez le monde en danger. Oui. Donc, à partir de ce moment-là, bien sûr que les navires soviétiques ont fait demi-tour, mais il reste encore les missiles qui sont déjà là, il reste encore le matériel qui est déjà là. Et là, on veut forcer Moscou à retirer ces missiles-là de Cuba et à ne plus jamais en mettre, évidemment. Mais c'est vrai que ça change le rapport de force. Ça place Moscou vraiment, Moscou voit ce qui se passe au Conseil de sécurité, un peu sur la défensive, un peu beaucoup sur la défensive. Et là, la prochaine étape, c'est la négociation. Oui. C'est la négociation qui va se faire par correspondance entre Moscou et Washington. Mm-hmm. C'est une négociation très complexe, évidemment, parce que il faut se rappeler qu'à l'époque, on n'a pas vraiment de moyens de communication directe entre les deux chefs d'État. Alors, on peut pas imaginer une chose pareille aujourd'hui, mais à l'époque, on doit y aller par intermédiaire. Donc, on y va, on utilise des journalistes américains qui ont des liens, qui ont des sources au sein de l'ambassade soviétique. On utilise qui on peut, en fait, qui a l'oreille de Khrushchev à ce moment-là. Et on doit trouver une solution. Il faut que ces missiles-là quittent à tout prix. Et là, arriveront deux lettres à une journée de différence aux États-Unis. La première signée de la main de Khrushchev, la deuxième qui a un ton un peu plus officiel, qui est aussi signée par Khrushchev et qui pose des conditions différentes en fait. Et c'est ça un peu le problème auquel seront confrontés les conseillers de Kennedy. Alors, c'est quoi les conditions posées par Khrushchev? Ben, en fait, dans la première lettre, simplement, on dit aux Américains, ben, écoutez, si vous vous engagez à ne plus envahir l'île de Cuba et à ne plus soutenir quiconque voudrait le faire, nous retirerons les missiles. Mais dans la deuxième, on ajoute une autre condition. Nous retirerons ces missiles si vous n'envahissez pas Cuba, mais aussi si vous retirez vos propres missiles de la Turquie, les missiles Jupiter. Donc, ce sont ces deux lettres-là qui vont poser problème à l'équipe de Kennedy parce qu'on se dit, ben, à laquelle on répond, en fait. La première semble avoir été davantage une lettre personnelle écrite par Khrushchev un peu sous le coup du stress, de l'émotion et lui aussi doit vouloir, évidemment, en finir de cette crise-là. Et l'autre semble un peu plus, comme on dit, officielle. Donc, à partir de ce moment-là, on se demande, ben, à laquelle on doit répondre. Et puis, on saura le fin mot beaucoup plus tard, en fait. Mais on acceptera, Washington acceptera les deux conditions, on le sait maintenant. Oui. Même si la question de la Turquie, finalement, c'était des missiles qui servaient plus à grand-chose. On a dit que les missiles étaient désuets, qu'on avait l'intention de les changer de toute façon. Évidemment, on a dit aux Soviétiques, cette clause-là doit rester secrète. Ouais. On ne doit pas laisser penser à notre population qu'on a plié sous la menace, qu'on a agi sous la menace. Alors, vous devez garder cette clause-là secrète. Et en fait, ce ne sera révélé que dans les années 90, par les mémoires de Dean Rusk, un des conseillers de Kennedy. Mm-hmm. Alors, en somme, on répond aux critères de la deuxième lettre. Souvent, on dit, ils ont répondu à la première lettre. Mais en sous-main, ils ont surtout accepté les termes de la deuxième lettre. Un mot sur le Canada. Comment se positionne le Canada dans cette crise des missiles? Extrait de l'émission Caméra 62 du 27 octobre 1962. La première réaction d'Ottawa devant le geste américain a été composée de surprise et d'hésitation. La surprise s'explique par le fait que le gouvernement canadien, comme les autres du monde libre, n'a été avisé qu'en dernière heure quant à la nature de la déclaration que devait faire le président Kennedy lundi dernier. Le premier ministre a affirmé que le Canada ne ménagerait aucun effort diplomatique pour empêcher que la crise ne dégénère en conflit. M. Diefenbaker a lui-même suggéré l'idée d'une commission composée de nations non engagées qui se rendrait sur place vérifier le caractère offensif ou défensif des bases cubaines. Il demeure que dans la crise actuelle, Ottawa est solidaire de Washington. John Diefenbaker, qui n'obtempère pas, qui n'est pas le bon élève que souhaite Washington. Là, on parle dans cet extrait de créer une commission. Mm-hmm. En fait, c'est déjà pas le grand amour entre Diefenbaker et Kennedy. Et la crise des missiles va en rajouter une couche. Oui, la crise des missiles va assurément refroidir la relation déjà assez tendue entre Kennedy et Diefenbaker. Concernant la crise des missiles, Diefenbaker, effectivement, va appuyer, évidemment, son allié américain, mais vraiment du bout des lèvres et vraiment au dernier moment, parce qu'il va beaucoup mettre l'accent, effectivement, sur cette commission indépendante dirigé par l'ONU. Allons voir ce qu'il en est vraiment. Jugeons, prenons le temps de voir. Et ça, ça va beaucoup énerver, évidemment, on peut s'en douter, John F. Kennedy. Il va aussi refuser de mettre les troupes canadiennes en alerte. Il va le faire uniquement quand tous les autres pays de l'OTAN l'auront fait et quand il n'y aura plus vraiment de danger. Mais cette réaction-là, si on veut, de Diefenbaker, justement, s'explique par les tensions entre les deux hommes. Une tension qui est d'abord politique, parce que, bon, il y a une grande différence d'âge entre les deux hommes. Ce sont deux générations complètement différentes. Et Kennedy est vraiment tourné vers l'Amérique, vers le continent américain, alors que Diefenbaker est plutôt lié, évidemment, à cette politique étrangère axée sur la Grande-Bretagne. Donc, il y a des différences à ce moment-là. Et Diefenbaker craint beaucoup aussi la domination américaine sur la politique étrangère canadienne. Donc, il est convaincu que les États-Unis essaient de lui forcer la main. Et à quelques occasions, il veut garder son indépendance. Et au niveau personnel non plus, c'est pas le grand amour. Plusieurs anecdotes pourraient être racontées sur la visite de Kennedy à Ottawa en août 1961. Donc, il y a déjà des tensions, il y a déjà une acrimonie certaine. Alors, Diefenbaker va prendre tout son temps pour répondre à Kennedy sur cette crise-là. This is Radio Moscow. Ici Radio Moscou. Le président Khrouchtchev a adressé aujourd'hui un message au président Kennedy. Le premier ministre soviétique a souligné à nouveau la nécessité de prendre des mesures urgentes afin d'éviter un tour fatal des événements et de préserver la paix mondiale. En plus des instructions déjà données et qui demandaient l'arrêt des travaux en cours dans les installations à Cuba, le gouvernement soviétique a ordonné le démantèlement des armes à Cuba et leur retour en Union soviétique. Message diffusé par Radio Moscou le 29 octobre 1962. C'est très cérémonial, tout ça, très officiel. C'est la fin de la crise, Karine Prémont. Avec le recul, qui sort gagnant et qui sort perdant de cette crise-là? Assurément Kennedy. Le monde, je vous dirais, d'abord en sort gagnant, mais d'abord Kennedy. Parce que Kennedy, suite à la résolution de cette crise-là, a complètement réussi à modifier les rapports de force. Parce que, rappelez-vous, au début de la crise, Khrouchtchev voyait Kennedy comme un faible, comme quelqu'un qu'il pourrait manipuler. Et en fait, les Américains étaient pas loin de penser la même chose. Alors, il va ressortir avec un prestige certain par la suite. Alors, ça va changer le rapport de force, à tel point que Khrouchtchev va changer de stratégie. Il avait une stratégie, lui aussi, d'endiguement du capitalisme, comme les Américains avaient une stratégie d'endiguement du communisme. Et lui, ce qu'il souhaitait faire, Khrouchtchev, c'était de créer des tensions tout autour de l'Empire américain, d'une certaine façon. Et là, il va se dire... C'est pas une bonne idée, finalement. Ouais. Et donc, il va lui aussi sentir le besoin de calmer le jeu sur la question nucléaire. Il va s'engager avec les États-Unis dans des négociations pour mettre fin aux essais nucléaires. Et ça va mener à la signature d'un traité en 1963 sur cette question-là. Et lui, par contre, Khrouchtchev, au sein de son propre pays, va perdre un peu de son prestige. C'est un peu le début de la fin pour lui. C'est le début de la fin pour Khrouchtchev. Il sera remplacé quelques temps après. Mais vraiment, de ne pas avoir été capable de gagner, entre guillemets, contre Kennedy, ça lui a beaucoup nui à lui. Mais grosso modo, je vous dirais que c'est vraiment Kennedy qui va s'en sortir gagnant à ce moment-là. Castro, oui. Il est où dans tout ça? Ça se passe, la négociation. Tout se passe entre Washington et Moscou. Tout à fait. Et au plus grand désarroi de Fidel Castro, qui s'imaginait être l'acteur central, qui avait fait pression lui-même sur Khrouchtchev pour que l'URSS lance une attaque nucléaire préventive sur les États-Unis, qui s'imaginait avoir le gros bout du bâton dans les négociations. Il se disait, ben, c'est chez moi que ça se passe, alors forcément, on va m'inclure dans les négociations. Alors lui, il ressort de cette crise-là complètement désabusé et complètement résolu à faire lui aussi à sa tête sur son territoire. Mais il a au moins l'assurance qu'il pourra faire ce qu'il veut, justement, sur son territoire, que les Américains ne viendront plus l'embêter. Karine Prémont, politologue à l'Université de Sherbrooke. Merci, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de réécouter nos émissions, abonnez-vous à notre balado-diffusion sur iTunes ou rendez-vous sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire. Ici Jacques Beauchamp. À la prochaine.